C'est pour ça que je disais à soir au début de la conférence que c'est si important pour nous autres de ne pas avoir d'insécurité émotionnelle, de ne pas avoir d'incertitude mentale et de pouvoir voir toujours l'autre côté de la médaille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y a toujours deux côtés de la médaille. C'est dans le mental pur qu'il n'y a plus de deux côtés de la médaille, c'est une synthèse des deux. Tu vois instantanément les deux côtés de la médaille. Mais tant qu'on n'est pas dans le mental pur, il faut qu'on regarde les deux côtés de la médaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans ça, on se fait prendre d'un côté. Avez-vous remarqué que quand vous allez chez Eaton, il y a des portes chez Eaton, puis la porte a dit « push », puis l'autre porte a dit « open ». T'arrives dans la porte qui dit push, tu l'ouvres, puis t'arrives dans la porte qui dit open, tu pushes. C'est vrai ça, bon, c'est pas vrai? Hein? C'est toujours le contraire. Tu viens, c'est marqué là, ouvre la porte, toi t'as pas. C'est marqué pousse la porte, tu l'ouvres. Mais ça, ce sont des lois d'impression. C'est assez fort. Les lois d'impression sont présentes. Faut que tu sois mauditement conscient, ou ben non, bien perfectionniste, ben non, bien branleux, pour en arriver, là, tu lis ça, la crise de porte poche, là, là, tu fais un effort de volonté, là, ou de conscience, là, pis tu pousses. Puis encore, peut-être le gars va s'en être trompé de signe. Comprends-tu ce que je veux dire? Là, tu veux dire, Christ, tu peux jamais gagner. Pis ça, c'est le même, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans notre vie. La loi d'impression est toujours là, dans notre vie. Alors, elle sert à quoi, la loi d'impression? Elle sert quand t'es conscient. Quand t'es conscient, la loi d'impression sert à aiguiser tes nerfs. Si tu es au bout. Elle sert à aiguiser ton système nerveux pour permettre que tes centres s'ouvrent pour que l'énergie de la conscience universelle rentre dedans. Pour que toi, tu deviennes intelligent. Sans ça, si ton système nerveux n'est pas aiguisé, ces centres-là ne s'ouvrent pas. Par an. C'est pour ça que je dis éventuellement, tu deviens comme une corde de violon. Quand tu dis que je ne suis même pas capable d'écrire une lettre, moi, sans faire une faute dedans. J'ai acheté au typewriter, là je commence, je fais attention. Puis à la dernière minute, là, je me dis, m'a l'avoir, l'enfant de chienne, non. La dernière minute, au lieu de mettre un point, je mets un point d'interrogation. C'est fort. Pour aiguiser mes nerfs, puis pour aiguiser mes nerfs, puis pour aiguiser mes nerfs, puis pour aiguiser mes nerfs. Mais comme je suis intelligent à cette heure, qu'est-ce que je fais? Je dis à ma femme, tape-moi donc cette lettre-là, et la madame. C'est ça, d'intelligent. Mais si moi, je m'étais attaqué, m'a l'avoir, l'enfant de chienne, m'a fait la lettre, là, je baverais, je me forcerais, je prendrais le tête, je jetterais par la fenêtre. C'est fort de même, les lois d'impression. Alors, l'intelligence, c'est encore plus fort que ça. C'est au-dessus de ça, mais il faut que tu l'aimes, par exemple. Ça veut dire qu'il faut que tu en arrives à ne pas être entêté. Il faut que tu en arrives à être intelligent. Et être intelligent, c'est faire un saut en hauteur au-dessus des lois d'impression pour dire, bon, ben, Pierrette, prendrais-tu ma lettre? Veux-tu me taper telle chose? Elle va s'asseoir, puis elle l'a pas, ça, cette tension-là. Elle va écrire sa lettre. Puis même si elle fait des erreurs, elle va prendre du carbone, du patente, puis elle va l'enlever. Parce que elle, la loi d'impression, elle sert pas à elle, elle sert à moi. Fait que si tu me fais vibrer, moi, elle, ça ne fera pas le vibrer. Comment qu'elle ferait 10 erreurs, ça ne change rien. Mais moi, j'en fais une, là, ça. La loi d'impression. Je m'ai vu écrire 2-3 mots, puis je te le dis en haut. Là, je fais attention. Il dit, ouais, fais attention. Général. C'est au bout. C'est la loi d'impression. Imaginez-vous qu'on vit là-dedans tout le temps. Tout le temps. 24 heures par jour. On travaille avec ça. Fait que demande-toi pas chose. Pourquoi qu'on ne souffre pas sur la terre? Mais quand tu commences à comprendre cette loi-là, là, tu commences à plus souffrir. Tu commences à plus souffrir. Ben, on va souffrir tant qu'on ne sera pas dans les terres. Mais au moins, tu souffres pas même. Tu souffres un petit peu. Mais c'est supportable. Mais faut pas qu'il y ait trop. L'Hydro-Québec, il peut manquer d'électricité chez nous, mais pas trop souvent. Parce que s'il manque trop souvent, Chris m'a acheté un générateur. C'est ça de même. Ça, c'est l'intelligence qui est dans ton jeu. Fait que tu t'ajustes, puis tu t'ajustes, puis tu t'ajustes, puis tu t'ajustes. T'es taillé un pet sur la rue, mais tu n'ajoutes des plus gros. T'ajustes, puis t'ajustes. C'est mal grave. C'est subtil, les lois d'impression. Puis l'intelligence, c'est bien clair. Quand tu l'as, puis la volonté est là. Alors à ce moment-là, ben, éventuellement, tu vis une vie, là, mais tu vis d'une tour d'ivoire. T'es obligé, t'as pas de truc. Tu vis une tour d'ivoire, puis t'es bien, tu vois pas personne, puis t'es content. T'as pas besoin de voir par tout temps. Tu vois ce que tu veux. Ça va très loin. Hein. Ça va tellement loin d'avoir l'impression que des fois, là, quand... Des fois, là, chez nous, là... Puis quand il n'y a plus de loi d'impression, là, quand je suis trop bien, tu sais, quand je suis trop bien, il n'y a plus de loi d'impression. Le corps astral, puis le corps mental, vide tellement plus, là, que je te disais... Je suis obligé de dire à eux autres en haut, ouais, mais la Terre est pas mal petite. Là, il n'y a rien qui t'intéresse. Les voyages ne t'intéressent pas. La changer de pays, ça ne t'intéresse pas. T'as rien qui t'intéresse. Rien. Il n'y a rien qui t'intéresse. Alors, là, je suis obligé de dire, bon, ben, change-moi de plan. Là, je m'en vais me coucher et change de plan. Là, ça rebalance mes vibrations parce que j'ai besoin de plus d'espace. Après ça, là, quand j'ai balancé mes vibrations, là, je reviens à mon corps. Là je continue. Ça lui a des impressions. Ethan Morgan. Alors, les impressions colorent notre personnalité, donnent à notre mental sa vibration, donnent à notre émotionnel sa vibration. Et nous autres, on est la mesure de ces impressions-là, qui ne viennent pas de nous autres, mon frère et monsieur, mais qui viennent des plans invisibles auxquels on est rattaché. Puis là, le gars, il va oser me dire qu'on a un libre arbitre sur la Terre. Dans ce temps-là, je prends mon chapeau et je m'en vais. Fait que c'est pour ça que je dis, l'homme doit se surveiller dans son mental. Et là où il y a un jeu dans le mental, checker les bien le jeu. Parce que le jeu, c'est du jus. Checker les jeux. Parce que dans le jeu, il n'y a pas d'intelligence. Il y a une impression qui peut être bonne, qui peut être valable, mais c'est pas de l'intelligence. Autrement dit, pour expliquer le phénomène, moi, si j'avais un jeu dans ma tête, là, je serais obligé de dire, c'est correct, ça, ou c'est pas correct, ça. Puis là, l'intelligence me dirait, non, c'est pas correct, c'est un jeu. Supposons, dans ma tête, ça me dirait, je vous donne un exemple. Supposons, dans ma tête, ça me dirait, je vais m'acheter une cravate demain après-midi. Là, moi, j'irai à mon intelligence, je dirais, je m'achète une cravate demain après-midi, puis il dirait non, la semaine prochaine. La loi d'impression me fait dire que je m'achète une cravate demain après-midi. Moi, je retourne à mon intelligence, ça me dit la semaine prochaine que je m'achète une cravate. Je vous donne un exemple. Mais quand on n'est pas dans notre intelligence, qu'on n'a pas facilement accès à notre intelligence, puis qu'on entre le jeu, quand t'as plus de jeu, t'as plus grand-chose. Fait que c'est pour ça que watchez-les, votre jeu. Watchez-les, les impressions qui se logent dans votre mental. Parce que vous pouvez perdre de l'énergie. Quand ils me disent dans ma tête, l'homme est un être esclave. Mais il est tellement bien, esclave. C'est bien bon. Les gars, tu commences à réaliser qu'il y a de cela. Là, il commence à changer. Il commence à changer de tonne. Mais il faut que tu réalises que tu es de cela pour changer de tonne. Ceux qui, ça fait 2 ans qu'ils sont venus à un séminaire, ils commencent à réaliser qu'est-ce que c'est l'esclavage. Ça fait 2 ans. Imaginez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, ce que vous allez savoir. Parce que ça n'arrête pas, ça, la découverte. Moi, ça fait 13 ans, puis je continue encore. Je commence, comme je disais, à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. J'ai même pas fini encore. J'ai même pas touché au bout. Mais c'est pas le temps qui est important, c'est le fait qu'on avance et qu'on devient plus conscient, qu'on devient plus intelligent, qu'on devient plus volontaire, qu'on est moins affecté par les lois d'impression et qu'on est moins insécure dans l'émotionnel et moins insécure dans le mental. C'est ça qui est important pour nous autres, les âmes. C'est ça qui transforme notre personnalité. C'est ça qui nous amène à vivre notre personnalité réelle. Et notre personnalité réelle, c'est la personnalité qui est intransigeante devant l'invisible astral. C'est la personnalité qui n'est pas affectée par les personnalités astrales. C'est la personnalité qui est le produit direct de l'intelligence sur le mental, sur l'émotionnel, sur le vital, sur le physique. C'est ça, la vraie personnalité. Et de cette personnalité-là, se découle, se forme votre identité. De votre identité vient votre réalité éthérique éventuellement. L'autre vie.